On a composé cette histoire sur des récits de personnes connues qui ont passé plusieurs années auprès de Charles XII et de Pierre le Grand, empereur de Moscovie, et qui, s'étant retirés dans un pays libre, longtemps après la mort de ces princes, n'avaient aucun intérêt à déguiser la vérité. Monsieur Fabrice, qui a vécu 7 années dans la familiarité de Charles XII, Monsieur de Fierville, envoyé de France, Monsieur de Villelongue, colonel au service de Suède, Monsieur Poniatowski même, ont fourni les mémoires. On n'a pas avancé un seul fait sur lequel on ait consulté des témoins oculaires et irréprochables. C'est pourquoi on trouvera cette histoire fort différente des gazettes qui ont paru jusqu'ici sous le nom de la vie de Charles XII. S'il en a omis plusieurs petits combats donnés entre les officiers suédois et moscovites, c'est qu'on n'a point prétendu écrire l'histoire de ces officiers, mais seulement celle du roi de Suède. Même parmi les événements de sa vie, on n'a choisi que les plus intéressants. On est persuadé que l'histoire d'un prince n'est pas tout ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait de digne d'être transmis à la postérité.